Épilogue du livre 11e. 10e texte du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Épilogue du livre 11e. C'est ainsi que ma muse, au bord d'une onde pure, traduisait en langue des dieux tout ce que disent sous les cieux tant d'êtres empruntant la voie de la nature. Truchement de peuples divers, je les faisais servir d'acteurs en mon ouvrage. Car tout parle dans l'univers. Il n'est rien qui n'ait son langage. Plus éloquent chez eux qu'ils ne le sont dans mes vers, si ceux que j'introduis me trouvent peu fidèles, si mon œuvre n'est pas assez bon modèle, j'ai du moins ouvert le chemin. D'autres pourront y mettre une dernière main. Favoris des neuf sœurs, achevez l'entreprise. Donnez maintes leçons que j'ai sans doute omises. Sous ces inventions, il faut l'envelopper. Mais vous n'avez que trop de quoi vous occuper. Pendant le doux emploi de ma muse innocente, Louis dompte l'Europe, et d'une main puissante, il conduit à leur fin les plus nobles projets qu'ait jamais formé un monarque. Favoris des neuf sœurs, ce sont là des sujets vainqueurs du temps et de la parque. Fin de l'épilogue du livre 11e. Fin du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine. Cette œuvre vocale appartient au domaine public.